Gardez l'écoute, d'autres hommes qui savent que le peut pas parler de yo. Et que même si madame yo laisse yo, si yo yo pas jamais manqué pour yo dossier café yo. Hé hé, check le. Doudou, kapati et bibon si yo la. Et que ça gagne de ces café ya. Doudou, kapati et bibon si yo la. Et que ça gagne de ces café ya. Doudou, kapati et bibon si yo la. Et que ça gagne de ces café. Assassiner seulement des grands en richesse, mais encore plus en sagesse. Et pas jamais rêver, penser secret.